émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Joule. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est le Planète Rap avec Joule. Comment va Joule? Alors ça va quoi? Et toi en forme? Encore plus en forme qu'hier. Eh ben écoute, toute l'équipe est là. Et ouais, toi encore, faire, comme tout. Faites un petit peu de bruit s'il vous plaît, parce que... Chaque fois je dis il y a une équipe et on n'entend personne. Ah voilà, ah, vous avez entendu? Oh, il n'entend personne à chaque fois. Hein. Il n'entend personne. Bon, tout va bien, Joule, la journée bien passée? Ça va, pépère. Ça ressemble à quoi la journée de Joule à Paris en ce moment? Bah là, je suis parti, j'ai fait un plateau télé à Energy 12. Je suis allé là-bas et après j'ai écrit pour les freestyles de ce soir. Comme j'ai fait d'ailleurs depuis le début de la semaine. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que j'arrive ici pour faire un freestyle, j'écris le texte juste avant en fait. Eh ben très bien, donc on pourra découvrir tes nouveaux textes avant 21h ce soir. Hier on a eu un bel exemple de ce que tu sais faire. T'as fait un son en direct. Voilà. Et t'as rappé dessus. C'est ça. D'ailleurs on va pouvoir revivre ça dans le replay dans quelques minutes. Sinon ce soir on va passer des extraits évidemment de l'album qui cartonne. Ouais. Ça va, t'es content, tout se passe bien? Ouais, pour l'instant ça va, tout se passe bien. Jusqu'ici tout va bien. Ouais, je suis au top. Et ben moi aussi, regarde, on m'a livré une chicha. Oh, tu es bien. Je suis refait. Mais elle fume pas, je crois. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette chicha? Attends, il faut que je mette bien le charme. Voilà. Dans un instant. Je rappelle qu'il faut évidemment fumer la chicha avec modération, hein, voire pas du tout. C'est toujours bon de le préciser pour nos amis du CSA. Et le son de Joule à découvrir dans quelques minutes. On passera le morceau pour débuter extrait ton album du même nom. Je trouve pas le sommeil, c'est ça. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec Joule. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Ce soir, déjà, tu nous avais promis hier de faire un son, de réaliser un son en direct. Donc, t'as aucune base, t'as rien. Voilà, j'ai rien. J'ai pris mon ordi là. Je pars du début, je fais l'instru du début et je freestyle à la fin dessus. Je suis pour ton frère quand les siens sont bandés, que je nique ma santé. J'ai toujours moi, je t'as vu, ouais, même quand tu me vois présenter. Moi, c'est l'équipe, y'a un bruit, descendez. Des petits me critiquent, ils ont oublié qu'il est défendé. C'est bon, je commence. Allez, on commence par quoi alors? Go. Bon, là, je mets le BPM. Là, j'ai mis le kick. Ah. Alors, le choix de la caisse claire. Ça y est, on l'entend. Et bah mets sur pause dans un instant, on va continuer le son. Je te présente par téléphone Ryan de Noisiel. Salut Ryan. Allô. Et face à toi il y a Nawel d'Alès. Salut Nawel. Ouais. Au début tout est rose, après tout le monde se poucave. Je sors même plus après, le week-end. Sans même plus le week-end. Oh putain, attends. Oh putain. Il y a des fous partout. Il y a des brigandes. Eh ouais. Quand tu t'en boucanes, au début tout est rose, après tout le monde se poucave. Sans même plus le week-end. Il y a des fous partout. C'était hier soir dans Planète Rap. Pour mon sec des pétasses, ils marronnent de nos lives, ils apprennent de nous pour faire des pesetas. Depuis que j'ai le buzz, j'ai des nouveaux coups. Depuis que je crème, j'ai des nouveaux coups. On est 5-6 à se tenir les coudes. On avance à se mélanger pour éviter les coups de pute. Que tu parles de moi alors écoute-toi. J'suis tout ce qu'il faut, je m'en bats les couilles toi. Check, tu fais le padré mais tu sors d'où toi? J'crois que t'es le premier qui va goûter le tout. Ça c'est le son que Joule a fait là en l'espace de 22 minutes. Donc il manque la basse et a priori tu vas rapper dessus là dans un instant. C'est bon, t'as tout? Ouais, c'est bon. Planète Rap, le freestyle. Je viens vous choquer là, c'est pas le propre, tu me lèches des chattes. À la Junkera, t'as vu l'instru, j'y casse la tête. Mes potes aiment quand ça pète, je crois que je suis bizarre, faudrait que j'arrête de consommer sur la barrette. J'ai pris le mic sans faire chichi, c'est pour mon pote bim bim de Clichy. On fait plus confiance aux potos, trop de BDH comme le chichi. Viens voir nos têtes, on est fichés, pourtant on aime pas trop s'afficher. Bondel, quand je suis en voiture, quand les gens voient, ils restent figés. On m'a dit là, ils font les suceurs, mais que de critiques quand t'es pas là. J'ai répondu, c'est réel, esprit, quand ils auront besoin, ben je serai pas là. Voilà, c'était hier soir dans l'émission avec ce son que t'as réalisé, t'as rappé dessus d'ailleurs. Ouais, c'est un ça. Son qui sera peut-être sur les prochains projets, qui sait? Je pense pas, c'était comme ça pour Skyrock, c'est comme pour ça. Skyrock. Eh bah terrible, c'était exclu pour nous hier soir dans l'émission entre 20 et 21. Voilà. Ce soir sur Skyrock, Joule, notre invité, je trouve pas le sommeil, c'est l'album. On écoute le premier morceau? Allez. Allez, écoute, on voit maintenant le sommeil. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je suis blessé, faut me parler, je veux m'en aller. Je vois le mal partout, on me dit Joule, faut y aller. Bon Dieu, aidez-moi, je veux des choses qu'il faut pas. Les gens, ils te manquent le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Tu trouves pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. You you you you you. You you you you you. You you you you. You you you you you. You you you you you. You you you you you. Parle pas des autres, quelqu'un te regarde et t'écoute. Tu fais le gros mais quand ils sont face, non tu parles pas, t'es cool. T'es comme cette fille qui se laisse aller. T'es comme ce mec qui se cache, qui critique dans les coms. Trop des fils de, les traites de piste. Ils observent tous tes gestes, voudraient leur faire un film de. Personne n'oublie personne, mais pas de regard. Ça pourrait venir te fumer quand tu te mets sous vodka. Combien de gris, moi je suis là. Quand y'a un bruit, ça saute pas. Combien change de camp comme des slips. La vérité, ça me choque pas. Tu trouves pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Tu trouves pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Oh. Une grosse dédicace à Soussou de Paris, à Ouda, Ali, Maïssa, Fela, Chaïma, à Yanis et Medji, à Ned en prison à Martigny, à Shmeta, à Lamine, à JP du 2B et à Johan du D, au Garden Café, à Maël, la capsule, Gaëtan, Kiwi, le père à cœur, Riz, Tony, Maxime, Thierry, Jess, Toto, Sakoche, Zozo, Edji, Achid, la Chicha Phoenix, Olivia, Stéphanie, dédicace à Amine. Noé, Azek, Samos, Walid Derbel, bien sûr. Bilou, à Brindou, à la Lime de Saint-Jean, 135. Un joyeux anniversaire à Sofiane, le frère Asgin. À Niki Santoro et son fils, à Khalil et Mamad. À Mousse, Lenny. À Toto, à Riri, Michael, James, à Luine, Shmeta, Johan Dudé. Joyeux anniversaire à la femme de Nordine, Kiko. Et boulon de noisy. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mais pas pour les dédicaces. Hein. Les dédicaces, elles sont bien remplies. Hein, voilà, comme ça, c'est fait. Entre 20 et 21 sur Skyrock. Je rappelle que les images sont dispo sur Skyrock FM, que si vous voyez un brouillard, c'est normal. Voilà. C'est le brouillard marseillais. Voilà, c'est le bon brouillard, comme on l'a dit. C'est le bon brouillard marseillais dans l'émission. Allez, mettez les images Skyrock FM avec l'application Skyrock pour découvrir le planète rap consacré à Jul. Jul, ouais. On va partir parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te poser des questions. J'ai vu ça quand on a commencé à faire ça, c'était quand mardi. Hein. Ouais. C'était mardi dans l'émission. Et beaucoup de gens disent ouais, mais moi aussi, je veux poser ma question à Jul. Moi aussi, moi aussi. Allez. Donc, on va continuer avec Julie cette fois-ci. Julie, c'est qui Julie? Non, Julie. Oh. Julie du Havre. Ça va, Julie? Oui, ça va et toi, Fred? En pleine forme? Ah, ça peut qu'y aller, là. Eh ben, écoute, je te présente Jul. Salut. Alors, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je m'en rends même pas compte que j'étais au téléphone, là. Ouais, c'est un truc de fou. C'est le vrai Jul. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, carrément. Eh ben, t'écoute, Julie. C'est quoi ta question? Alors, Jul, moi, je voulais savoir, quand t'étais au collège, en fait, je sais que t'arrêtais les cours en troisième. Mmh. T'étais quel genre d'élève, en fait? T'étais plutôt un suiveur, plutôt un meneur? T'étais comment? Super bon, je pense, non, Jul? Pour déjà, arrêter en troisième, c'est que tu devais être très fort, non? Je pense que j'étais ni un meneur, ni un suiveur. Après, j'allais en cours et bon, j'étais plutôt du genre à mettre les écouteurs dans les oreilles. Tu as vu là, à mettre l'écouteur dans la manche là, quand tu es comme ça. Au fond de la classe, alors, petite technique de Jul. Alors, comment tu faisais? Toi, tu passais l'écouteur dans la manche? Voilà, on mettait l'écouteur dans la manche, on faisait les mecs. Et tu posais la main comme ça? Ouais. Genre, t'es crevé et en fait, t'avais l'écouteur, t'écoutais du son. C'est ça. C'était quoi comme son qui tournait, Jul? Je sais pas, c'est des groupes marseillais, j'avais Puissance Nord, j'avais Black Marché, le groupe Akalif, l'ancien groupe. Qui est là d'ailleurs, qu'on salue, voilà. Akalif. On est là. J'avais du GIZ, Section Fidjo, c'était quoi qu'il y avait? Hein? Carré Rouge, j'avais du Louch. Beaucoup de sons marseillais. Voilà, que du marseillais, ennemi d'État. Que du son marseillais. Ouais, sale équipe. Et sinon, il n'y avait pas un cours qui te passionnait, un truc en particulier? Je sais pas, parce que parfois on a des profs. J'aimais bien le sport et le dessin. Mmh. Ouais. Avec Madame Long, ils la connaissent ici, Madame Long. Mais bon, c'est cher, ça lui a fait bordel. On salue Madame Long. Regardez le résultat, Madame Long. Il est là, Jules. Tous les soirs entre 20 et 21 sur Skyrock dans Planète Rap. Julie, c'est bon? Tu avais une autre question? Tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'est bon, ça me va, c'est parfait. C'est et bon, Julie? On te donc voilà. C'est bon, Julie? Oui, c'est bon, t'inquiète, pour moi, ça va. C'est tout. Je voulais juste, si c'est possible, Jules, de gratter un t-shirt dédicacé ou pas? Un t-shirt dédicacé. Il y a beaucoup de gens qui demandent Liga One, où est-ce qu'on peut trouver les t-shirts? Est-ce qu'il y a alors, un site? Alors les t-shirts Liga One, on peut les trouver à Bell's Shop en bas en ville à Marseille. Sinon voilà, on peut les trouver là-bas à Marseille en bas. Et sinon bientôt il y aura un site. Bientôt il y aura un site exprès pour les t-shirts. Et bon, on suivra ça et on va essayer de t'en mettre un de côté, Julie. Il y en a bien un qui prend pour ça Julie. Ça serait cool parce que l'album, je l'ai déjà acheté, donc ça sert à rien de me l'envoyer, mais t'aimes bien? Ça serait cool. T'aimes bien l'album? Ah, j'adore, franchement, j'adore. C'est une tuerie. Ma fusée, il déchire. Je l'écoute tout le temps en boucle dans ma voiture. Ça revient beaucoup, ma fusée. Hein. Il revient beaucoup, le morceau, ma fusée. Ouais, il tue. Ah, merci, ça fait plaisir. Tiens, dites-nous un petit peu avec le hashtag Jules sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Quels sont vos morceaux préférés? L'album est sorti lundi. Dites-nous. C'est vrai que dans ma fusée, revient plutôt énormément. Mmh. Donc, dites-nous vos morceaux préférés. Vous l'envoyez 41-759 et on te fait un bisou, Julie. Allez, parti, Julie. Ça y est, c'est parti. On va rejoindre Yanissa maintenant. Bah, tiens, à domicile à Marseille. Salut, Yanissa. Salut. Ça va bien, Yanissa? Ça va, super. Bienvenue dans le Planète Rap de Jules. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on entend? C'est le Mistral ou quoi derrière, Yanissa? Ouais, non, je suis dans le train, je fais la misère. Alors, on t'écoute. C'est quoi ta question pour Jules? Plusieurs fois, j'ai pas pu te la poser. Du coup, je passe par Skyrock. En fait, moi, ma musique préférée, bon, ton album, je le découvre à peine, mais ma musique préférée, c'est Qu'est-ce que tu ferais dans 10 ans? Et en fait, la question que je me posais, c'était toi, tu le voyais comment dans 10 ans? Ouais, bonne question, Yanissa. Dans 10 ans, je me pose vraiment la question. Hein? Toujours de la musique? Ouais. Je crois que ça ne doit plus capter, mais. Je sais pas, on va essayer de la récupérer, ouais. Mais ouais, la musique, j'espère, toujours. Hein. Bon, après, je sais pas. Bah, déjà, si on fait un tour en arrière, il y a 10 ans, tu te voyais comment, toi, Jules? Moi, franchement, je me voyais rester dans le quartier, toujours galérer pour moi, j'étais un capricieux. Je me voyais toujours comme ça. Mais t'avais pas une envie particulière, justement, bouger du quartier, visiter, voyager, rencontrer d'autres cultures, d'autres pays? Bah en fait, on a tous envie de partir du quartier, mais une fois qu'on y est, c'est... même quand on y part, on part pas beaucoup de temps du quartier. Il faut y revenir. Revenir. Donc après, c'est, je sais pas, on aimerait tous partir, mais on est coincé. Toi, t'as pas envie de bouger justement du quartier? D'un côté oui, et d'un côté non. Voilà. C'est pas d'actu, en tout cas pour l'instant. Non. Et non. Dans 10 ans, écoute. Dans 10 ans, j'espère que j'aurai une belle vie et que voilà. Continuer à faire du rap, peut-être produire des gens. Voilà, ouais. Mettre en avant d'autres personnes. Bien sûr, ça va commencer ça. Ouais, c'est en route. C'est en route. On l'a vu hier avec justement les artistes Liga One, il y a du monde. Hein. C'est ça. Yanissa, on t'a retrouvé ou t'es... Ah, le train, elle a dû rentrer sous un tunnel, on l'a perdu, Yanissa. Eh ben, merci pour vos questions. Dans quelques minutes, suite de la flopée de questions sur Skyrock, on balance un morceau de Jules. Ouais, on va envoyer Seul au monde si possible. Allons-y. Ça c'est un morceau qui me tient à cœur. Seul au monde maintenant. Il s'est retrouvé seul au monde. Il sent mal, il voit le pire. Il décide de vivre dans l'ombre. La galère, il veut la fuir. Lui son passé le hante. Il a perdu des proches. Le terre-terre, il fréquente. Et vend de liasses dans les poches. Il n'a pas peur de la mort. Non. Pourtant, elle lui coule à la peau. Tu le raisonnes, il a ses mots. Il sait plus voir les vrais, les faux. C'est ça, son cœur lui fait défaut. Il vit la nuit dans le jour. Sans dans les larmes sur les joues. Il a plus d'espoir. Il essaie rien qu'il échoue. Drôle de vie qu'il mène. Il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Mais c'est ça la vie. Non. Il s'est retrouvé dans les affaires. Alors que les gens ne voyaient plus Bacter. Il subit mais il en a pas l'air. Dans l'illégal il trouve son salaire. Devant les gens il ne fait pas le fier. Il dit aux petits ça faut pas le faire. Faut pas le faire. Non. comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu crois pas mais tu te mens. Il a perdu son temps, ses souvenirs d'enfant. Il sera jamais plus content. Il a choisi son camp. Les sentiments c'est comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu crois pas mais tu te mens. Illégal c'est la prison, pour s'en sortir y'a peu de chance. Il meurt pour sa mère, il a mal pour ses frères. Cœur dur mais fragile, pas dur à se laisser faire. Il dit souvent que s'il a des sous, il met bien tout le monde. Il dit souvent qu'il fait gaffe aux gens car beaucoup mentent. Il trouve pas l'amour, il compte sur peu de gens. L'illégal c'est la prison, pour s'en sortir y'a peu de chance. Il meurt pour sa mère, il a mal pour ses frères. Cœur dur mais fragile, pas du genre à se laisser faire. Il dit souvent que s'il a des sous, il met bien tout le monde. Il dit souvent qu'il fait gaffe aux gens car beaucoup mentent. Nanana, nanana, nanana. Il a perdu son temps, ses souvenirs d'enfant. Il sera jamais plus content. Il a choisi son camp. Les sentiments c'est comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu y crois pas mais tu te mens, hein. Son temps, ses souvenirs d'enfant, il sera jamais plus content. Il a choisi son camp. Les sentiments c'est comme le vent, tu le vois pas mais tu le sens. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu y crois pas mais tu te mens. Il a un cœur, il sait ce qu'il fait, te casse. Si tu t'embrouilles, il vient, il va pas te dire je me casse. Il compte plus les jours qui passent, tu sais. Il est trop fier pour dire qu'il t'aime, je sais. Il est trop brave, on le sait. Mais faut pas le chercher. La prison l'a rendu méfiant. Trop de larmes, il a versé. Il se voit faible pourtant. Il a tout ce qu'il faut. Et j'en perds mes mots. Et j'en perds mes mots. Et j'en perds mes mots. Et j'en perds mes mots. Et j'en perds mes mots. Et j'en perds mes mots. Voilà une grosse dédicace à Amada, à Nader, El Mero Mero, Laï, Chico, Tarek, tous les Carplas, Baby Boy, à la chicha Le Carré à Marseille, et aussi à la chicha de Bibi, Kadhafi, du Blue Dream et Melik. C'est la crise au mic, mec. Et c'est Jules au mic. Tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock avec ses Medic au platine ce soir. Ouais. Qui a pris le remplacement de DJ Abdel qu'on salue. Qui doit être en tournée quelque part dans le monde entier, ouais. DJ Abdel. Un big up à DJ Abdel. Il y aura du live dans quelques minutes, hein, Jules. C'est ça. C'est toi en live seul ou il y aura aussi du monde avec toi? Il y aura du monde avec moi, comme d'hab. Très bien, pas louper d'ici quelques minutes. On continue les questions à Jules, c'est vous qui les posez. 41759. Sofiane de Perpignan qui nous appelle. Comment ça va, Sofiane? Ouais, salut, ça va? Et toi? Ouais, ça va, un peu crade, et toi? Eh bah écoute, en pleine forme, bien avec Jules, ouais, avec va. L'album qui fait un véritable carton. Je trouve pas le sommeil. Ouais, bon, dédicace à Jules, Sofiane de Perpignan. Ah, c'est qui? C'est ouais, Sofiane Larbi? Ouais, c'est ça, la famille Mercure. Alors, vous connaissez? Ah, ça, c'est un monsieur de partout, lui. C'est vrai? Ah, il connaît, ouais, il connaît. Ah, ouais, je connais. Eh bah, t'écoutes, ouais. Sofiane, alors, quelles sont tes questions bon, pour Jules? Bon, petite question, alors, Jules, bon, grâce à ton succès et ton indépendance, serais-tu prêt à quitter ton label pour un autre label? Non, jamais. Ah, je me doute, je me doute. Et s'il y a une, belle, s'il y a une belle proposition d'une major, par exemple, Jules? Je dirais, on trahit pas la Honda, carnales. Fidèle à ma team. Fidèle à ma team, voilà. Donc toujours chez Liga One. Toujours chez Liga One. Et pas prêt de changer. Pas prêt de changer. Et ben voilà, Sofiane. T'avais une deuxième question, je crois, Sofiane. Oui, j'ai une deuxième question, ouais. Jules, qu'est-ce que t'en penses des BDH qui te critiquent sur ton rap? Même plus j'en pense sur eux, tu sais quoi. J'ai même plus envie de penser sur eux, c'est bon, laisse-les. Mais t'as écouté le morceau d'ailleurs pour Mérageux, la Mérageux. Oui, qui... oui, j'ai l'album, bien sûr, l'album. Tu as aimé là. Je crois que c'est la réponse en fait, Jules, de toute façon. Voilà, c'est une petite réponse pour les petites commères du net. Okay, bon, et puis okay. En même temps, quand on te critique et quand on te jalouse, c'est que c'est plutôt bon signe. Parce voilà, que, ouais, j'ai remarqué ça avec le temps. Ouais. Avec ouais. Le temps, au début, tout est super, machin, magnifique. Ouais, après, j'ai une petite dédicace. Vas-y, on t'écoute, Sofiane. Alors, bon, dédicace déjà à Jules et la Liga One, Fabio, Najib. Fabio, voilà. Il est dédicacé tous les soirs, Fabio. C'est la crise au Mike Mec. Elle a le buzz. Ah ouais, elle a le buzz. Hein. Ouais. Commence à tout, continue à tout casser comme ça. Et une dédicace à mon collègue Jibou le sang, à Samir le sang, à mon petit frère Yassine le sang, à Marwan, moi de Bordeaux, à ma petite sœur Islaine et à Perpignan. C'est la crise au Mike Mec. Et bon, salut Perpignan, merci à toi. À l'instant, Sofiane qui posait une question à Jules. Jules, on va revenir dans quelques minutes avec quel morceau? On va envoyer Vidaloka. Vidaloka? Ouais. Ne bougez pas, c'est après ça. Comme toi. Jules a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Jules et son album Je trouve pas le sommeil, qu'on découvre toute la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. Jules avec nous dans un instant, un gros live qui se prépare, Jules. Ouais. Et puis alors une consolation, puisque là on vient de l'apprendre, nos amis stéphanois sont éliminés de la Ligue Europa à l'instant face au Dynamo Brestov. Voilà. Face au Dynamo Brestov, ils ont perdu, nos amis stéphanois. Donc toi par contre, la bonne nouvelle, c'est que tu vas quand même faire la fête le 31 décembre avec eux. Voilà, c'est ça. À pas louper, rappelle un petit peu. À pas louper, l'Addict Club le 31. C'est-à-dire le jour de l'an, on va mettre le feu à Saint-Etienne. C'est la crise au Mike Make. Et bah, loupez pas donc la venue de Jules et toute la Liga One sur Skyrock. Et là, un petit invité qui arrive. L'invité surprise. Ah bah, il est là, j'avais pas vu. Ah, Mister You Gataga. Ça va, Combe? Oh, comment ça va, You? Ça fait plaisir de te voir. Et toi, en forme? C'est donc la surprise. Oui, tu nous avais promis une surprise ce soir, Jules. Eh oui. Eh ben voilà. Mais c'est vrai que vous partagez un morceau en commun. Voilà, c'est ça. Bien ou bien? Ça va, et toi? Ça va, et toi, Fredo? En forme, c'est quoi de neuf? Bim bim, elle a aussi. Ça va? On est là. Bah, c'est plutôt à toi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe, You? Bah, on est là. Quoi de neuf? Soutenir sur l'album du frérot, de Jules. Ouais. On est là. Il y a un petit morceau qui est sorti dans son album. Le CD est dans les bacs depuis le début de semaine. Exact. Et il est numéro 1. Numéro 1 des ventes. Je regardais encore là à l'instant. Numéro 1 des ventes devant ACDC. ACDC! Coup de calibre dans ta gueule! Devant Johnny Hallyday, notamment. Aussi, Jules est numéro 1. Les mecs doivent halluciner, en fait. Ils doivent tomber dessus, genre. Putain, Johnny, il est pas numéro 1? C'est qui, lui, devant le 1 là? C'est qui? C'est quoi ça, Jules? Qu'est-ce que c'est que ça? Numéro 1, c'est Jules, il est avec nous. Et donc, You, la connexion, votre rencontre tous les deux? Ouais, c'est 8 ans. Non, on était en Belgique. On a fait le son là-bas. Et voilà, c'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est faux feeling. Avec You, c'est un mec comme nous. Mmh. Voilà, on s'est rencontrés, ouais, voilà, en Belgique, dans un studio, on a kické ça. Jules était sur la fin de son album. Et voilà, on avait fait un morceau, franchement, c'était une tuerie. En plus, franchement, c'est quelqu'un de bien. En plus, il est bien entouré, machallah. Une grosse dédicace à toute la Liga One. Merci. Voilà, ça m'a fait plaisir aussi, justement, d'être invité. Et donc, on a kické sale, quoi. Est-ce qu'on met maintenant le morceau ou... On va le commencer au début du live. Ah, d'accord. Donc, okay. C'est un morceau que, de toute façon, vous retrouvez sur l'album Je trouve pas le sommeil. Voilà. Sinon, You, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui va se passer pour MDR 2015? 3. J'ai envie de te demander. Bah, MDR3, Inch'Allah, t'as vu, je te mens pas, là, j'étais un peu en vacances. Mais ça fait du bien aussi, non? Ouais, t'es fou, trop. Voyage, un peu de voyage. Ouais, voilà, que le voyage, exactement. Profiter un peu après toutes tes aventures. Voilà, un peu de travail, des concerts aussi. Je suis souvent en showcase les week-ends. Et voilà, quoi, là, maintenant, faut re-rentrer en studio. J'ai bien avancé sur MDR3, j'avais quasiment terminé. Et donc, il y a du nouveau qui se préparera. Mais là, pour l'instant, on est là pour parler de l'album. Toi, t'as suivi aussi le succès de La Crime, aussi, ouais, qu'on avait découvert à tes côtés. Ouais, voilà. Aussi, tu l'avais invité. Ouais. On l'a vu au Planète Rap. Et voilà, ouais, bah bien. Donc voilà. Maintenant, on est là pour parler de Jules, comme je disais. Et Jules, l'album qui est sorti lundi. Je trouve pas le sommeil, donc c'est numéro 1. Faut continuer à soutenir, faut continuer à aller acheter, les frères. Et merci à tous. On balance un morceau. Alors, Jules, qu'est-ce qu'on a dit juste avant d'attaquer live ce soir? Pas de freestyle téléphone, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de live. Donc, on attaquera le live dans 3-4 minutes. Juste Sky est sur boîte vocale aujourd'hui. Alors là, on envoie Vidaloka. Vidaloka? Ouais. Allez, c'est parti. Jules sur Skyrock. Dédicace à toutes les prisons de France. C'est la crise au Mike, mec. Tu cherches encore ta pelle là, mais qu'est-ce que tu fais là? Avant de regarder ses fesses, regarde un peu la tête qu'elle a. Moi je fais ma vie tranquille, ananas tequila. Pendant que dans le bloc ça se fait péter pour t'es tranquille. Quand je suis en buvette, les gens me disent t'es tranquille. L'argent ça vient, ça part, faut en prendre tant qu'il y arrive. Vas-y mollo mollo, dégage de la toco. Moi je prends pas de coco et en plus t'as la boco. Ouais ce soir j'oublie tout, au quartier c'est muerto. J'en place une pour chéchier, un fait quatre porto. Trop se sont fait péter, pour eux j'allume mon pétou. J'vois leur maman s'inquiéter, quand j'vois ça j'pars faire des tours. Anti-miss qui se l'appelle, toujours anti-société. Elle t'esquive quand t'es à pied, elle te suive quand t'as le golf chété. Mais je peux pas, j'arrive pas, je suis fané. Je suis en train de planer toute l'année. Mais pas, je suis fané. Pourtant ça sent pas bon. On n'aime pas les PDH, je demande à Mortado. Ben bassissimo, le silence de l'or. Magissimo, et quand je suis en concert, les miss m'arrachent mon tricot. Magitico de Mexico. Cours avec les traits du coupe court, m'a dit Fafa tout court. Ici l'ambiance est chaude, fait les condes. La rue a ses codes, fais gaffe ce que tu racontes. T'as recherche d'un coin sombre pour faire ses comptes. Si tu fais un trou, le patron va t'insulter la conne. Mets ton pare-balles sur le cœur, je sourire cache un calibre. Tu oublies toutes tes rancœurs, tant que ton poteau n'est pas libre. Ma vie me joue des tours, j'ai même plus quoi penser. Je vois les jeunes en bas des tours, mettre mon son et danser. On va brasser et stailler, mener la vie d'un local. Si tu vois mes locaux, dis-leur que je les aime à local. Dis-leur que je les aime à local. C'est la crise au mic, mec. Rien à perdre, j'ai envie de m'évader. Mais je peux pas, j'arrive pas, je suis fané. Reprends-moi, je suis en train de planer. Rien à faire, je gamberge toute l'année. Rien à perdre, j'ai envie de m'évader. Mais je peux pas, j'arrive pas, je suis fané. Reprends-moi, je suis en train de planer. Oh. Yeah. Oh. Vidaloka, à l'instant. Joule. You, tu reconnais quelques ambiances dans le planète rap là. Ah ouais, ouais, ça change pas, ça change pas. T'es pas dépaysé, ça va. Alors bim bim. Ce soir chez Sky, hein. Entre 20 et 21, Mister You qui nous a rejoint, qui est venu faire un coucou et qui est présent sur ton album aussi, Mister You. Il fait partie, il y a quoi? Gros, gros son avec Mister You. Il y a 4-5 featuring sur l'album. Il y a la Liga One, il y a Mister You aussi, notamment. Il y a Laura Luciano, on a écouté le morceau cette semaine. Voilà, et il y a Chebralas aussi. Chebralas aussi. Et You qui est présent sur un morceau Marseille-Paris, Paris-Marseille. On le prend dans quel sens? Ça dépend. Ça dépend. Si tu écoutes à Paris, c'est Paris-Marseille. Voilà, c'est ça en fait. Tu peux prendre dans les deux sens. Voilà. Et bah, je propose qu'on attaque le live maintenant. Avec ce morceau, et puis après on partira en freestyle. Allez, Mehdi sera au platine. C'est parti. Joule, Mister You. Vas-y, sors du taga, fais kiffer. Roule à Paname. Ça se mange le que devant Dieu. À Paname. Ça défoire pour un Dieu. Big up tous les frères et crew, c'est un halal. Cherche pas la merde, tu vas la trouver. À 15 ans, si tu m'arrives, ça pète les plombs, ça désespère. Ça passe des années entières à se péter le vaussaire, fumer des airs. Un gaz, un truc de ouf, ça fait la guerre avec des bières. De l'autre côté, ça route ça avec des missiles et avec des bières. Quelle justice de merde, quel système de fils de pute. Les problèmes, ils mangent, j'ai l'impression de vivre dans un monde de lune. Depuis tout petit, j'ai des mauvaises fréquentations. Je traîne qu'avec des mandats, des vols, laissez passer le mauvais gazon. Attends, plus vers nous tisons, nous pédalons. Le rap en plein dans les airs, l'écrit sur des billets d'avion. Normal que ça saigne. Là, je suis avec Joule, on est sous Jack. L'argent doit s'assainer. En parlant trop de sur un Zodiac. Marseille, comme lui, la base. On a permis son nom d'un pote. Marseille, t'insulte la bague. T'as coulé dans le bloc avec un Glock. Je fais une passe, tu me jalouses, tu me fais passer pour quelqu'un d'autre. Je te pèse, tu me critiques, tu m'essaies de fracturer ma porte. La voiture, ça lève des vies. Dis-leur, il faut que tout s'assainer. Pour l'instant, c'est lui qui me dit de rappeler. C'est pas facile. Ce qu'on vit, c'est pas des scènes. Ça diverge pas seul à seul. C'était costaud, y'a l'arme sous la scène. Ça se rend dedans, pour une folle ça se met dedans. T'es 32 dedans, pour une poursuite en dedans. Quand ça de la fumette, parachute pour assumer. Je vois le mirador avec son fusil allumé. Tu me fais le cambrioleur, tu mets 4 ans pour ouvrir une fenêtre. Ça fait un an que tu suis dans le game. 12 ans que je pénètre. Marseille c'est les bons mecs. Lui le pont et sa lance. On marche dedans, Fafa et Tico de Wander, on a pas le ballon. Nique bien ta grand-mère si t'as pas pigé. Pour bien embrasser des tonnes. Aujourd'hui sucerait pour moi que DJ. J'en ai pris des risques dans le métier. J'vais tous les baiser, j't'ai DJ. Les keufs qui feraient me faire tourner sans tiep. Et le prox prend pour un DJ. Je crève tout à souhait de l'arbre. De la part de tous mes frères au carpin. Qu'ils font leur peine au le-toi tranquillement. Pépèrement sur une pesante arc en l'herbe. J'en ai sorti plein d'alergas. Une fois qu'ils étaient bien j'ai plus trop leur garde. Ouais. C'est trop de potes, c'est devenu des buts. Mais un peu de pas tu se regardes. Si j'ai vu, j'ai donné. Jamais mis donné, on m'a trahi, j'ai pardonné. Moi j'avais rien et j'ai donné. Et tu t'appelles. Reste cool, tu veux pas que ça pète. Je passe mon temps à rien faire au check. Avec les causes, je dis pourquoi ils sont jaloux. Ils m'ont dit c'est rien, tu le baisses les tous. Les sont pour toi ont changé. Ils me font tous plein de manie. Je leur ai rien fait, ils me regardent comme quand on vient. Tu es manie. Disque d'or, je t'en fais la pelle et la pioche. Y'a que des loups, pas ton bêtise de la poche. Dans le lourd, je fais la note, c'est comme un sol dur comme la roche. Pour tous ces hoches que ça m'esquive à droite à gauche. L'état nous fauche, nous fâche, le policier cherche l'outrage. J'ai rien fait, et tu vois que ton pote crache tout cache. Tu vois que ton pote crache tout cache. Tu vois que ton pote crache tout cache. On a trop d'écho, y'a des diamants sur le chico. Demande à ce bébé, à ce bébé, à ce bébé. Les groupes et les veufs glico. Avec les paris, les samples, les tropicaux. Ne cherche pas à faire la cour. Tu vas prendre un chaos, demande à l'ours. Ça va te smith, te pète, quand tu vises le but. Qu'elle nous voit comme des fils de pute. Moi y'a que le Seigneur qui me fascine. J'espère c'est qu'il me guide. Juste avant on me fascine. Laissez-moi, je suis ailleurs. Je fais des tours des points solo. Qui est la quand t'es belle? Qui est la quand t'es solo? On m'a trahi tant de fois. J'ai toujours dit c'est rien. On m'a dit ils se font rares les vrais. Mais ça je le sais bien. Je trouve pas le sommet dans les bas. Grosse dédicace à Demo One qui est dans les studios. Yeah, yeah, yeah, yeah. 9-4, m'en viens qu'un frimo avec Dieu. Aïe. Calique dans leur tête. Une grosse dédicace à toutes les prisons de France, encore une fois. À tous les quartiers de France, à tous les potos en tôle. À tous les frères et sœurs incarcérés. Aïe, aïe, aïe. C'est la crise en moi avec les frères. Avec Mister You, Mister You avec nous. Prison. Et Jules. Ah, Jules, je crois que tu peux enlever la veste là. Ah, là, il fait chaud dans le studio. Je crois qu'il est grand temps de quitter la veste. Et de bouiller le maillot. Tête, là, tu as vu Mehdi, quand tu veux, session live maintenant dans l'émission. Session freestyle. Allez, allez. Les bandes. Moi, c'est Jules que les bandes. Parce que y a pas de. Ok. Moi c'est Jules, je n'ai que les bandes, je bosse dur, y'a pas de détente. Là je suis dans la caisse, y'a petit ça crise des blondes. Pourquoi tu me fais le bandit? T'es un trait, je l'ai senti. Tu fais le mec qui est plein, on m'a dit que tu ramasses des sentiers. Moi je presse pas la détente, même quand je suis tendu. Je vois le bonheur dans la tente, quand t'es trop gentil on tente. Tu t'affiches de val, toujours en ça. À cause de germe, mon bénéfice est de mauvais état. Ça y est, me faut mon magot, mon passé n'est pas beau. Pourquoi tu me regardes travers, je t'ai dit je m'en bats les couilles ta go. Moi je parle pas trop, je veux ma part du gâteau. Je pas percé dans le rap, mais j'aurais pu finir comme Pato. Mais parle pas de la maman, sinon je te jure je vais pas te rater. Espèce de salope, t'es qui toi pour menacer? Ferme ta gueule, apprends de moi et si tu peux fais mes lacets. J'ai le cœur relancé, y'a la galère, y'en a assez. J'suis toujours au quartier et j'commence à m'en lancer. Trahis pas la Honda, tu le sais carnales. Avec tes potos tu fais le dur, mais ta femme t'aimait la laisse. Quand je faisais du sang, et ouais le sang. À 17 tu faisais des bagarres, je voyais du sang. Toi t'as la haine, c'est pas la peine. Mon c'est tout, nique tout ta gramme, j'tiens moi des garçons sur la scène. Si je pourrais, je serais en Louis Vuitton. Franchement, c'est la crise au mic, mais dites-moi quand je suis bidon. Je représente le tchèque, les petits qui font des cambus. S'ils volent, c'est qu'il n'y a pas de sous. Pas parce qu'il y a des lacunes. Même pas ta tôle, faut que tu l'assumes. Et puis nique les condés. Celui qui trahit, c'est souvent celui sur qui tu comptais. Il y a de la volonté pour affronter. Je représente les bons maîtres. Lune, salon jusqu'au ponté. Jusqu'à la santé. On ressent la chienneté. Il y a des fous partout. Il y a des petits grandés. Je suis fier de mon parcours. Joue pas le brigandé. C'est dur, ouais, je taffe toute l'année. Je te dis pas comme je suis fané. Là, y'a tout le monde qui m'écoute, même mes potos condamnés. Ils veulent que je change, mais moi, je reste le même. Je peux pas changer, vu la vie que je mène. Ils veulent que je change, mais moi, je reste le même. Je peux pas changer, moi, vu la vie que je mène. Allez, vas-y. C'est quoi les bails? Ton allure, ton manque d'oseille. Alors ça tente les bras. On ferme pour de la monnaie comme des animaux en cage. Ça se met à charbonner, mais la stupé dans les barrages. Mais oui, c'est vrai que tout ça me met la rage. On veut faire notre avenir, mais la police nous fait barrage. Ils sont qu'à venir. Bientôt, moi je m'arrache. Je vois les souvenirs. Moi je suis la chatte de jour en jour. J'en apprends dans le monde qui se bat en courant. Bienvenue à Chétan, dans nous, tout le monde fait parler les doux dans nos têtes. seul. Aïe, aïe. Avec la musique, je me sens moins seul. Je vais te foutre le fire. T'as stoppé l'école, t'as fini écroué. Face à la juge, t'es pas doué, doué. Allez, venez, je décolle, on va les secouer. Ton ami Ménique, toi, tu l'as troué. C'est la Liga One, MC, je te fais one. Après, j'en fais one, je décompre. Agis si t'as parlé, assume si t'as parlé. On est sereins, nous, toi tu stresses. Des jaloux, y'en a assez. Ils louchent quand ils te voient passer. Ils veulent ta miss le bif que t'as tassé. Des jaloux, y'en a assez. Passer, ils veulent ta miss le bif que t'as tassé. Moi je suis pas machin, je veux tout maintenant. Faut tous ceux qui donnent des noms. J'ai les yeux, les facs, des noms. Ne crois pas que je suis fatigué. Mais sur la ligne, je vais t'emmener. Je vais t'emmener, bien sur la ligne, je vais t'emmener. J'ai où elle, prends le mic. Quand je pense comme je t'abats, je marquais la rue comme François Bell. Ta graisse, c'est la crise au mic. J'ai peint tout comme les petites matelles. Pas semblant, j'ai pas la tête. Comme moi-même, je suis en guerre. Je suis plus qui je suis en fait. Y'a plus de son, je vois le petit Giggle. Rappelle qu'il est en patron Eagle. Petit frère se fait des temps pleins pour se payer un désert Eagle. Ils ont en Pfizer ou en TDM. Il reste sa vie pour s'assumer. Calibre autour de la taille, y'a pas de métal, il va fumer. Les jaloux, rien qui taille, sur la fée d'un petit détail. Je les calcule pas, moi je suis d'aille. M'faut le BM, gros Icaille. Ouais, ma caille, veulent me crotte, mais c'est la même. L'ancienne, on se faisait la bise. Maintenant, on sert la même. C'est pas ma vie, oui, de la mienne. J'aime pas les mythomanes. Sans le savoir, des fois, au traître, on se fit normal. Et ferme ta gueule, regarde. Gauche, droite, tu es sur mes gardes. Tu fais le foie avec ta mère, après tu pleures quand les flics disent on te garde. J'ai grandi, j'ai cartonné. T'as trahi, j'ai pardonné. On m'en dit, tu le sais, tu me l'as pas dit. Tu vas repartir avec une marconnée. Pour toi et moi, c'est fini. Je crois qu'on pourra plus se recoller. Sous la cagoule, c'est Dieu. Et maintenant, tu me reconnais. Allez, vas-y. Rends-moi l'instru. Rends-moi la suite. Ok. Vilka, tout le monde, allez, on s'en jette. Yeah, Liga, one. Contrôle dans l'info, non. Tu t'es fait péter, t'es passé à la barre, mec. Oh non, besoin de personne, t'es parti faire tes sous. Quand même, bonhomme, ça te calculait pas. T'as eu ça, ça t'a calculé. Oh non, c'est des victimes, mais pourquoi ils me font les bonhommes? Rien à manger à la zone, t'as ramené à manger. Bonhomme, il a trahi ton ami, direct tu l'as vengé. Bonhomme, bonhomme, yeah, bonhomme, bonhomme. Bon quoi? Des donneurs de gants dans cette vie que des traites. Cagoulé en moto, t'as trop joué. Le gros, y'a un contrat sur ta tête. Kill sur kill, tu vois pas le liquide de problème, tu t'endettes. T'as eu un déclic, passé de caïd, mort de manger des miettes. Tout va mal dans ta tête, t'as comme l'envie de fou, maman. Mais quand ça cesse, soit tu fais le show, mais t'as pris de la cesse. Tu vas faire si ouais, c'est ça devant le ciel, t'as dansé la salle. T'as dansé la salle. Et confiance en nous, la détermination m'a dit t'arteler. Si t'es pas de là, fais ton toupet, tu viens pas la ramener. Ramener, je les vois de là, il te faut les chemises en onda le nez. Je mets le nonce, oui je vais agir si je fais des menaces. Les menaces, c'est qui le boss? J'ai pu en bas lequel clic, bam, race. Oui, je veux le pénètre, oui, oui, oui, je veux le pénètre. Oui, je veux le pénètre, oui, oui, oui, je veux le pénètre. Non stress, y'a pas de tristesse pour le stress de la tête. Faut encaisser pour la pégaisse. Pas stressé quand tu braques la caisse. Pas GTA, ni Budapest, ni Cléta, on forme ta presse. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Débute à peine, yeah. Évite les tasses, leur vie, j'ai le gramme te casse. Faut assumer quand le beat t'appelle. Assurer quand la batte te sasse. Tu cogites quand tête mais t'appelle. Prends pas au JT, j'fume et j'tasse. Sur une couche chutée, ça fait de la peine. De la prison, tu te lasses, yeah. Routine répétée, esprit en veille. J't'ai pété, prends pas le vent. J't'embute le rap, j'suis un voleur. C'est Wari, c'est nique ta famille. Si t'es un violeur, nique ton rap. Okay. Et porte d'un col en connard. Le bitch, le viole, sur cette prime, tu ressens la douleur de la. Me casse pas les couilles, aujourd'hui sur les nerfs, frère. Ils sont jaloux, je les fais danser en parlant terre-terre. Je ferme les yeux quand je pense que tu me dis, je m'en tape. Je suis content de mon parcours, y'a quoi en être fier. J'aurais du Milan en concert, fais un insert. Je prends un rap et j'aurais pu jouer à l'Inter. Quand tu poteau, mon bras, je reste en Indé. Tout ce qu'on a coduré, les vins terres. Ça m'a aidé quand je restais en bas chez moi. Donc dans ma chambre, j'étais fait comme un chinois. Fais gaffe à tes paroles, tu pourrais glisser. Tu te rappelles, c'est un 3-5 clics à patinois. Y'a des loups dans la zone, donc méfie-toi. T'es un fou, tu laisses ton pote pour une fille, toi. À venir me parler à l'oreille, mais t'es qui toi? Dans les gassos, qui nettoie des bastos. Allez, va, moi, si c'est pour elle, ça s'arrose. Fais gaffe à l'ennemi, ça peut être ton tueur qui viendra sur ta tombe te déposer la rose. Y'a beaucoup de peur et d'engueil, moi j'ose. RDV le 8 décembre, on envoie la dose. Apprends à me connaître, tu verras si tu m'aimes pas dose. Trop jaloux sur moi, je crois que le talent est la cause. Toi la grande douce, je vois les traites, mais des carottes, ça y est en douce. Ami, ennemi, je sais plus, gros. À chaque fois que tu me vois, c'est pour me parler en flouze. On lâche pas le bitume, à skipper mon album sur YouTube. On présente les bromettes, l'huile, salon, le ponté. On change pas les habitudes. Déjà la pointe, où je me situe. Mais j'aime sur ma page, sur l'album, il tue. Encore en étude, je voulais des thunes. Je t'en fais dur en voyant le bonheur derrière une dune. Je vois le monde en petit, normal, gros, je suis sur la lune. Yeah. J'ai plein de potos, je peux pas tous les assumer. Les problèmes dans ma vie qui arrivent à toute allure. J'ai pas la bête du coup, je me suis mis à fumer. À fumer. Je me suis mis à fumer. Yeah, yeah, ok, ok, ok, ok. Liberté, égalité, mais je me sens pas libre. Tu veux te refaire, va en Espagne, remonte 26 litres. Donne-moi le micro, je vais m'apaiser. On est trop rapide, ne sois pas pressé. Je les tacle à la gorge, je rappe ma life. Nickel dans ce coup qui prennent à cesser. Ils me jettent la ligne sur PPG ou elle ou ils se trahissent pour un billet yellow. La Liga One, ouais c'est bien nous. J'rappe, trop pas que ça dort. Imagine-nous en lambeau avant t'adore. Quand t'as des sous, on t'adore. Quand t'en as plus personne t'attend. Ouais j'rappe, crois pas que ça adore. Je vous envoie le prochain frère. Bang bang. Bang bang bang. Yeah, mais là, yeah, okay. Silly, bang bang. Yeah, yeah. Oui, la vie c'est pas un film, les problèmes s'empilent. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oui, la vie c'est pas un film, les problèmes s'empilent. Les meilleurs potes s'enfilent entre ceux qui BFM la merde est filmée. On s'égare, aux 20h on se fait fumer. Jugé sur la religion, le ticket c'est pas un film. J'ai besoin de fumer, faut que je vacue, trop dans le cul du grand abîmé. Si j'ai fait des fautes, je les ai assumés. Faut que les jaloux qu'ils se mettent à zoomer. J'avance dans la brume, tu reconnais le talent. La rage dans la plume, t'as j'ai mal après tu chiales. Pour les enculés, la France est galante. Entre nous, la tunnel, comme un lien de parenté. Une vie, on en a qu'une. Pas 40 sur le cross, mais le droit sur la ligne. Baccarat pour le boule d'une femme, ça se plaît en alors que c'est une chienne. Morgan Clara, là je suis un loup, je veux des lobes. Je me prends de large, armée plus bif, égale lâche, trop de morts. Range ta calage, ton corps dans la balade. Je veux le bif, une villa à Malaga. Mais tu kiffes, va t'archer ta lingo. Tu fais tout pour la miss, mais Malaga, c'est l'aime que le bif et le bruit des lambeaux. De partout ça gille pour le drame. Porte pas la guine, oui, le rap va le clé pour de l'argent. Y'a des drames, si on t'aime pas, t'inquiète pas, on va te dire histoire de merde ou de grammes. Là, j'ai facile à tirer, donc forcément ça tire. Bézette, bézette, clic, clic, bah. C'est le retour de flamme, ils entendent ça dire. Passant facilement, t'achètes des âmes. L'arme ne fait pas. Pas le bonhomme normal, on est des âmes. Je ne peux pas cautionner ça. La rage fait parler le talent. On est dans le nord, on va te niquer talent. La rage fait parler le talent. On est dans le nord, on va te niquer talent. La rage fait parler le talent. On est dans le nord, on va te niquer talent. La rage fait parler le talent. On est dans le nord, on va te niquer talent. Trop de fils de traite qui se la pète. Tu mérites des gifs dans la tête. Ramène ta folle, je la pète. Jean Ping ou une Porsche ou même un insecte. Pourquoi vous revenez à 7? Je vais vous écraser en compète. Au lieu de chanter comme une trompette. Vas-y, fais ton dé. Je l'ai niqué, je suis chaud, je suis tenté. C'est un dégain, il me fait le trafiquanté. Il me critique, non mais attendez. On va tous danser comme dans Brigante. En ce moment, dans la zone, c'est danger. Grosse descente, il t'embarque pour venger. Le sang comme Silly, je suis cinglé. En fumette, voilà, viens, on s'aide. Pourquoi vous voulez voir ce qu'il y a dans mon assiette? Dans mon assiette, 2015, je suis à la SACEM. Je vais les dépouiller, je vais les mettre à sec. Les traites, putain, je les esquive. BDH à chaque coup de ma set. Ne te demande pas c'est qui, c'est dans le check, t'entends le moteur de la mazette. J'en ai marre de tous ces cassettes. Qui j'écoute la FF sur la cassette. Ils savent qu'elle pèse la mallette. Alors les faux culs montrent leur putain de facette. On sera pendant qu'ils font la sieste. Je mets ma buvette, moi je touche pas la sieste. Disque d'or, disque de platine, toi t'as tigre. Et en plus tu chantes, tu te la pètes. On fait la dure, on fait la conquête. je la fais cabrer en compète. Les flics pas, je les flics pète au bec. Si Ben, je m'esquive, je vais pas entendre compète. Si t'as parlé, Adji, fais ton tête. TMC, vas-y, fais ton texte. Tu l'as baisé, elle t'a fait rêver. Mais vas-y, poto, fais ton test. J'ai niqué, je suis chaud, je suis tenté. Celle des gars, il me fait le traficanté. Une critique, maman, attendez. Je les vois tous danser comme dans le brigandé. T'es une grosse victime, tu me fais le criminel. Tu me dis, poto, ne la branche pas, c'est ma copinelle. Tu parles mal, tu pourrais finir à l'hôpital. T'as laissé qu'il y a pas de flingue, ça se termine à l'hôpital. Fermez vos gueules, bande de fils de pute. Je ferme sur mon taillis sous le soleil. La confiance, ça n'existe plus. Ça met chez toi, ça tout l'air, votre ta mère sommeille. Putain, c'est bizarre. Je grandis, j'évite le quartier. Plus je filme, plus j'oublie. Plus je pleure, mon chouris. J'en ai marre de sourire. Voir les chemises, faire les maths, les menottes. À croire qu'ils aiment nous voir souffrir. T'as à voir mes potos dans la merde. Ils m'ont dit non, comprenez. Le ciel leur est tombé. Tu le sens, mon frère critique, je dois la merder. Je pleure des larmes. Tout seul, j'affronte mes soucis. Tout seul, je regrette mon faire parti. Tout seul, je reste à ma vie. Mais tout seul. Tu peux me dire ce que tu veux, j'ai vu ton vice, poto. On sera jamais les mêmes, poto. Pourquoi les meilleurs partent trop tôt? Avant de dormir, je fixe ma photo. Trop de choses à dire. Je vois que c'est chaud, que ça attire. La galère, tout le temps, on se la tire. Mais putain, on avait tellement de choses à bâtir. Je referai jamais le monde avant de partir. J'suis comme un autre, j'essaie de m'en sortir. Y'a des jaloux, c'est pas grave. Maman me conseillait tout le temps sur eux avant de sortir. Je me dois d'avancer, j'ai un gros point sur moi. Manager, je t'aime, je vais tout niquer pour toi. Mais mon meilleur pote peut parler sur moi. On m'a dit c'est rien, t'inquiète, prends sur toi. Cherche-lui, cherche à me trouver. Je suis pas la merde, cherche à se prouver. Je les regarde pas, cherche à me trouver. Je pense à vivre, pense à se trouver. T'as la boule au ventre, y'a le bruit du brum brum. Yeah, la vie c'est accord, faut t'apaiser. Aujourd'hui il te dégoûte, hier tu l'apprécies. On les remet d'accord, les remet d'accord. Liga 1, 2, 3, on va t'agresser. Mais jette pas la guine noire, idiot, on fait des sons lourds. Tu nous souris mais tu kifferais nous voir sous l'eau. C'est un trahi pour toi, c'est ça nous. T'as massé ton ami, mais t'as niqué le rouleau. Je m'en bats les couilles, je trouve mon cou, j'ai pas cette chaîne. Sur Digadji à Marseille, tu trouves cette chaîne. Ton poteau te trahit pour cette chat. La France c'est nous, c'est une souris, face à cette chat. Moi c'est Wari, je prends le rap d'assaut. La crise en Mike dans tes baffes, t'es pas assaut. Dans le rap, j'opère. Y'a trop de traits de perdre des proches, ça fait Superman. Sont vides, mes poches, je serre, man. Je me vois plus d'une sous le porche, c'est la guerre, man. C'est la guerre, man. Ok. Ok, Mani. C'est quoi qui va me mettre? Yon. Ok. Allez. Je manie le flow comme personne. À la guerre, je pars seul. Pour les baisers, j'ai la recette. Et la miss me traque, me saoule. Je veux pas la baisser, elle m'harcèle. Depuis le début, je fais de l'art seul. Posé au check, je serre, je vois les genoux nés qui parlent seul. J'ai fait des feats loin de Marseille. Je me sens chez moi de partout. Dans mon check, je marche seul. Dans l'armoire, l'arme, les cartouches. Dans mon rap, je suis en T-Max. Je camoufle mes larmes derrière le roof. Vous pouvez parler, vous, je suis soutenu par les sages. J'ai parlé ouf. Je fais un rêve, je parlais aux anges. Ils m'ont détaillé mon futur. Mon dieu ne change pas, tira loin. Même si ton passé fut dur. La chose tute, ça bosse dur. Je vois les guetteurs en posture. J'entendais à ça m'a dit qu'il y a des stupes qui rôdent en costume. Le décor est hostile, ça m'écœure, ça me dégoûte. Je vois que des fils de pute et en plus de ça j'entends que ça m'écoute. Moi c'est Jules, j'ai trop la rage, je déchire le game à la hache. Pour mes frères en cellule, pour eux ce soir je me déchire à la hache. C'est là, c'est pour Amada, pour les braqueurs en Yamaha. Comme du calife, tu veux. Y'en a pas, j'entends les hup hup. De la bague, des fois en caisse, des fois à bague. Disque d'or, dans mon lit, je me casse le dos, il manque des lattes. Pour oublier, on tire des lattes. Et mes frères achètent plus en détail, ils prennent des plaques. En quand d'embrouille, mes potes ils mettent des claques et puis des paquets. Je déballe ma live, gros, j'arrive au taquet. C'est que je taquine quand j'ai la cote, quand je me gare sur le parking. Celui qui a le flow, celui qui te fait danser, tu sais c'est qui? Celui qui représente le plus sa team, tu sais c'est qui? Celui qui trahira jamais la Honda, tu sais c'est qui? Sur la cagoule, c'est Jules, et maintenant tu sais c'est qui? Yeah, hey. Hey, avec du bron, je fais de l'argent. Avec de l'argent, j'achète de l'or. Je te baisse comme une cochonne, normal que tu me traites de porc. Je suis assez d'or, ça qu'il y en a sur les 22. C'est partout la merde, mais ils sentent que les joints de bœufs. Je les ai fait dans le check, sentent les gardes avec les bagarres. On les balance, les bâtards. Les vacances et le placard. Quand on roule pour toi, les haineux te crèvent les pneus. Ils veulent me serrer la main, mais pour moi, c'est des lépreux. Je me suis fait tout seul, qu'ils aillent niquer leur daronne. Je vous ai dit, je vais les finir, ça sera ma dernière parole. Nous, y'a pas qu'en boîte qu'on sort les Magnum, tu fais tirer dessus pendant que tu tires sur ta clope. Ils sont rentrés pour la guerre, j'arrive en soum soum. Je vais leur faire la fête, je vais les rendre tous ouf. Même le plus balèze finit dans un froucouze. Il me suffit d'un 16 pour qu'ils aient un coup de blues. La tête dure, la tête dure, je veux pas voir même pas en peinture. On leur a pris la tête dure, on leur a t'inquiète la ceinture. Ouais, c'est pour tous les mecs durs. Crazy d'ailleurs, mec dur, on baisse et bye next year. Ma life lecture, j'ai faim de graille, je fais mes bails en devenir parano. Va des parano, faut des lobes, notre avenir est parano. Toute la merde est courir, t'aime. T'es qu'une n'en t'a rien, il t'aime. Un nouveau bon again de ten. Nique sa mère, part en improvise. Il prend le mic. Merde, besoin d'évasion. Peine de prison, passe à confusion. Trop de rainer à l'horizon. Putain, le daron avait raison. Rip son pote, soi-disant potin. Terry faire ton dos que ça papote. Hein. Ah, langue de putain. J'partage ma part, tu veux mon but. Hein. Ah, c'est que du bluff. Il te dit le thème et derrière ton dos, il traque ta meuf. Il traque ta meuf. Hey, devant les keufs, faut rester sous tes mains. Sa bouche à lui, elle danse le smurf. Oh. Mais toi, son, toutes ces conneries me lassent. Car classé à venir en boisson. Je veux déliasser, rouler à poisson. Moteur puissant pour quitter la poisse. Pour quitter la poisse. Pour quitter la poisse. Pour quitter la poisse. Pour quitter la poisse. C'était la session live dans l'émission à l'instant. Mike Michael. Et ses invités. Tu le repoules up, tu le repoules up, l'instant. Pourquoi t'es chaud là, yo? Ah. Non, non, on n'a pas besoin de 2-3 minutes, pas plus. Allez, vas-y, you. 2-3 minutes, pas plus. Montre-leur, montre-leur. Allez, attention. 1 minute. Allez, allez, vas-y. Je te prends le sommeil dans les bacs. Je bois de la vodka avec du gin et la morale du rat de dîner. Les frères, je sais plus quoi dire à part Allah et dit comme Allah et dîner. Je reprends le seum car je suis coté comme une putain de lambeau. Savent très bien que je partirai comme un putain de nambo. Je me rappelle d'une époque, je vendais du crack des cachetons. Ça mitraillait sur l'autoroute, big up Nino Rismo Racheton. Bougataga, non, c'est pas du rap de Khemesh. Des coups de genoux, d'autres kilos de coke, ma gueule pour les tailles dans son mèche. Pas de moulin, mais on veut se faire dubler dans l'école de la rue. Mais par dubler, on a sauté de classe, bande de teubés. Pas que le grenier qu'on a meublé. Plus besoin de m'extraire, s'il vous plaît. J'ai fait le mandat de dépôt, il est déjà renouvelé. J'ai cette salope de juge, ça fait longtemps qu'elle me voulait. Je me même pris de KFC, tellement je boycotte les poulets. En français, je lui ai mis la fessée, puis j'ai percé dans la foulée. Je voulais vivre ma vie tous les jours sans que personne me reconnaisse. M'en bat les clés ou du succès, on a m'en bat les coronnes. Y'a des orphées, boulevard baisser, ils rêvent me lever pour le dessert. Pardon, entre la poire et le fromage, se demande quand est-ce que je vais me les faire. Aujourd'hui, je leur allume leur mère, et demain, je mangerai du ferme. Je roulerai des airs dans la souricière, je périrai par le fer. Hypocrite, j'ai déjà vu Jack parler sur Daniels, Pietro sur Beretta, Smith sur Wesson, nique leur mère à tous ces chemettes à ce qui me toutes les sonnes, hey. Un frère sous les mains pour le seigneur France sur le sol. Ceux qui sont pas contents brasseront des liasses en chantant. Ça sera d'indépendant, ouais, nous sera plein dépendants. Quand les mecs ont le tas, on prendra du bon temps. Mais les carrières, on ouais, me dérape pas tranquille, on se détend. Dra, en attendant qu'il dra, clique, bra. Y'a le petit qui cap, y'a ceux qui sortent le désert eagle, ceux qui frappent comme Steven Seagal. Ils font les fous quand y'a du people, quand ils finissent seuls, ils sont tout pâles. Quand t'avances, ils te mettent tout seul, ils te font la bise derrière et pâle. Y'a ceux qui font, ceux qui veulent, mais trahis pas, c'est le principal. Tu en classe, on foutait le feu, des grosses insultes au principal. Combien de fois t'as fini seul à te péter la tête sous critical? Ils parlent de moi, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont finir à l'hôpital. Ton seul vie, on a le gage, mon check c'est un 3-5-6. Tu pars de là, tu pas d'ici, on va se trosser comme dans Bissi. Y'a ce qui suit, c'est des vendeurs d'hommes. Ce qui blablate, y'a ceux qui se donnent, y'a les mecs à jeun, les mecs sonnent, y'a ceux qui parlent pas, y'a ceux qui te donnent, y'a ceux qui lèvent sur une roue. Ouais, potence comme ça chez nous, pétard à la main, franche à l'autre, ça prend l'autoroute avec le genou. C'est quoi ce quartier? Tu pètes un plan, même les gadis, elles ont des genoux. J'ai envie de fouetter des gens, ils font les crasses pour des stones. Après ta femme elle veut ton copine. 9 mois après elle fait un môme. Faut que tu l'assumes, c'est ta copine. Comprends pas le mec qui s'est cabré. Tu fais même pas le tour du bâtiment. Tu dis qu'elle tu l'as baisé. Dis-moi poto pourquoi tu mens. T'as faim sur PPK des mecs en banque. Ils te diront c'est la crise au mic. Mec y'a pas un dans le compte en banque. Ça se met la tête avec des banguets. Plan folle, plan B. Ça va voler, ça prend des risques. Ça fait des sous, ça va les flamber. J'ai fait un rêve de fou gros. Ouais de fou gros. J'ai rêvé de Shakira. Putain que j'y mettais un coup. Genre moi j'ai peur des gains, j't'ai jamais vu quand y'avait un bruit. J'ai juré que tu gagnes des gains, tu m'as pas reconnu, c'est la crise au mic. Moi c'est Jules, j'fuck les salopes. Il me dit t'es mon frère, après quand on se parle plus, il fait confiance à l'autre. Y'a trop de folle, trop de traîtres, trop de Schmitt qui enquêtent, qui te suivent, qui te pètent, et oui tous les jours. C'est comme ça mon pote, ça veut ton plan cul. Ta recette, le petit don pas, rien que ça recèle. Des fois j'fume, fais ta recèle, et j'pense à mon frérot au ciel. Jusqu'à maintenant j'ai fait mon taf, frère chez moi on peut taf pas. Entre amis on se tape pas, mais bon putain, des fois c'est pas ça. Matashi, t'es blonde, j'aide pas même si elle est condé. Durer la vie que je fonde, j'pourrais même pas te raconter. Je vois les petits monter sur des plans décomontés. Je les vois avec les habits de la gâte armés sur des scooters remontés. Les coups à zig, je suis tapé. Des petites folles veulent m'encaper. C'est chaud, ça tire. Ouais, pour un bleu. Ouais, tchac à venir constater. On prend pas tchac à venir constater. C'était la session live. Merci à vous tous. À la fin. Merci à tous pour le freestyle. Merci à Mister You qui était là ce soir. MDR3, ça se prépare pour 2015. Jules, c'est dans les bacs, vous retrouverez. Ouais. Vous retrouverez. soirée de Jules demain aussi entre 20 et 21. Merci Jules pour cette soirée. Merci à tout le monde. Un gros merci à Mister You qui est venu avec Bim Bim. Merci à l'équipe. Merci frère. Avec un freestyle lâché par Bim Bim aussi ce soir. Voilà, voilà, il y a le poteau Bim Bim aussi qui a lâché le freestyle. Lâché. Un nouvel recrue qui arrive. Et j'en, j'en profite pour saluer la chicha, le Velvet à Paris, 145 rue de Crimée dans le 19e qui nous a mis bien ce soir. Ah, merci à l'équipe du chicha, le Velvet à l'instant. Merci Yo, merci à Jules. Et je voulais dire à Barbas, demain allume ton téléphone, on va t'appeler à Skyrock. Merci, merci à vous tous. Et dédicace à Gilou. On fait tourner rapidement la roulette et après on retrouve des foules, c'est parti. Allez. Skyrock t'offre la nouvelle compil Urban Music. Non-stop, plus des chèques cadeaux de 80 euros. Manon de Périgueux, comment ça va Manon? Ça va et toi Fred? Et bienvenue dans ce joyeux bordel qui est Planète Rap Manon. Bonsoir. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va, c'est parti. Allez, on a la bourse, ce soir on va retrouver Default dans un instant, la radio libre à pas louper. Et Manon, ça s'arrête pour toi. C'est la compil Skyrock Urban Music Non-Stop et les 80 euros de bon d'achat pour acheter ce que tu veux là pour les fêtes qui arrivent, c'est pour toi Manon. D'accord. Est-ce que je peux dire un petit mot à Jules, mets le casque, il y a Manon qui veut dire un petit mot. Ah, il t'écoute, c'est bon, il a le casque, il t'entend. Bah Jules, continue comme ça, là tout le monde, on est tous avec toi, je te jure, continue comme ça, ton album, une tuerie, ouais, et merci. Voilà quoi, une petite dédicace à tous mes frères et voilà. Ah, merci, tu assures, merci, t'inquiète, je vais continuer. Merci à toi Manon. Merci. Ah, merci. Merci à vous tous, passez une bonne soirée sur Skyrock. D-Fool est là, normalement il est connecté. Mais oui, Fredo, on est là. Déjà important, hein. C'est pas grave, ça nous arrive aussi. Tu sais. Mais You a eu envie de rapper d'un seul coup. Et il a bien fait d'ailleurs, You. Ah, ouais. Merci You, merci Mister You qui était là ce soir dans Planète Rap. Merci Jules. Merci à vous. Merci à toute la bande. Et demain soir ça recommence. Hein. Voilà, une petite dernière dédicace, grosse dédicace à Pétou, le Mom, Nadir, Z et Dadinho de la Renault. Des dédicaces. Et à Lounis de Frivolo. Des dédicaces qui arrivent pour moi aussi sur mon portable. À Nono, Anaïs, Lakaï, à Oumey, la Ghetto Girl qui envoie des messages. Bref, il y a plein de dédicaces. Fabio. Et on remettra ça demain entre 20 et 21. Sana aussi. Pour la dernière de la semaine, à pas louper. Pour la dernière, ça va être le feu d'artifice. Le feu tout court et le feu d'artifice aussi. Et le feu tout court. Et le feu d'artifice. Et le feu tout court aussi. Eh bien, ce soir, c'est parti avec, dans un instant, Fredo. Est-ce que je dois profiter de ma life? Oui. Masca. Eh ouais, Masca qui arrive pour démarrer la soirée. Vous tous en direct, vous pouvez arriver aussi. Et D-Fool, comment te portes-tu après la défaite de ton équipe face au Tifo Sescoff? Oui, super, voilà. Déjà, on va apprendre à dire le nom. Ouais. De toute façon, on a décidé d'arrêter cette coupe, Saint-Etienne, oui, parce que les noms des équipes sont imprononçables. Dipromitskov. Oui, c'est ça, Dipropikov. Dipromitskov. Oui, Saint-Etienne éliminé. On suit Guingamp et Lille ce soir, à pas louper dans l'émission là. Eh bah très bien. Bon bah ouais, désolé Fredo. Bah, pourquoi? On supportera le PSG et Monaco. Oui mais c'est PSG, on est en 8ème, tout va bien. Hein. Moi je suis confiant, serein, tout va bien. Hein. Et tirage au sort, ce sera lundi pour savoir contre qui vous allez vous retrouver, les Monégasques et les Parisiens. En route vers la finale. Eh ben écoute, on croise les doigts, en pourquoi toute tranquillité. Pas. Tranquillité. Faites attention, il y a le Barça qui traîne. Hein, ils ont mis 3 hein, quand même. Ouais, mais il y a toujours des petits moments de flottement. Saint-Etienne a perdu combien d'ailleurs? 1-0 1-0, je crois. 1-0. Bah ouais, 1-0. Bon, on parlera foot ce soir évidemment, mais pas que. Hein. Vous pouvez débarquer ici en direct sur Skyrock dès maintenant, 01 53 40 30 20 si vous voulez nous appeler. Le 41-759, l'appli Skyrock, et on démarre tout de suite avec Profiter de ma life. Le son de Masca et toute l'équipe qui est là. Black M, ouais. Dr. Ouais. Berries. Et oui, ils sont tous là. Black M, Dr. Berries, Masca, Profiter de ma life. Et à demain, Fredo. Ciao, ciao, à demain. Allez, à demain soir. Tous les matins sur Skyrock.